L'actualité à Nancy et ailleurs. Les 25 et 26 avril, les motards d'Une Rose, un espoir, vont reprendre la route pour une grande chaîne de solidarité de village en village, de maison en maison. Une seule et même mission, offrir une rose en échange d'un don minimum de 2 euros au profit de la Ligue contre le cancer. Céline Touvenin, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la communication donc pour les Chardons 54 qui participent à cette belle chaîne de solidarité qui est née en 98 en Moselle. Quelle est votre histoire, vous, avec cette action? Moi, j'y suis depuis le départ, depuis que l'association Une Rose, un espoir, les Chardons 54 a été créée donc, sur le secteur d'essai. Donc, ça fait maintenant 11 ans. Et puis, tous les ans, on grandit. Donc, c'est chouette parce que malheureusement, tout le monde est touché par le cancer. Cette année, on a prévu de distribuer 28 000 roses et on va sillonner 156 communes. Et pour cela, donc 600 participants, 271 motos en 2025, donc un peu plus peut-être cette année aussi? Oui, on est aux alentours de 650 cette année, motos plus passagers. Alors concrètement, comment ça se passe sur le terrain? On a rendez-vous donc à la salle Maringer à Essey-les-Nancy le samedi matin. Et ensuite, on a coupé en 7 groupes. Pour que ces 7 groupes aillent sur des communes différentes. Chaque groupe a un chef de groupe ainsi que des adjoints pour driver en fait le convoi. Et puis une fois qu'on arrive dans les communes, on distribue nos roses en faisant du porte-à-porte dans les maisons. C'est une sacrée organisation, dites-moi. Oui, c'est une organisation. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte quand on participe à cet événement, mais en amont, il y a quand même beaucoup d'organisation, mais c'est pour une belle cause, donc on est là tous les ans. En 2025, au niveau national, c'est plus de 2 600 000 euros qui ont été récoltés, qui vont directement à la Ligue contre le cancer. Qu'en est-il pour les Chardons 54? L'année dernière, on avait récolté 54 054 euros. Donc, bien évidemment, notre objectif de cette année, c'est de dépasser. Et cette année, en fait, les fonds vont être versés au centre hospitalier de Lunéville pour l'acquisition d'un laser OLEP pour le traitement du cancer de la prostate. Vous participez à cette action depuis le début. Qu'est-ce que ça représente de participer avec tout cet engouement et tous ces motards? Malheureusement, on est tous touchés de près ou de loin par cette maladie. Et puis, c'est vraiment un week-end qui est riche au niveau humain, aussi bien par les participants que par les communes qui nous accueillent. Parfois, les gens sont absents, ils vont nous mettre une petite pièce avec un petit mot, une anecdote ou quelque chose, des enfants qui nous attendent avec des dessins. Enfin voilà, c'est en plus de la bonne cause pour récolter des fonds, on a aussi ce côté humain qui est très présent et qui évolue d'année en année. Donc, c'est chouette. Comment rejoindre l'opération, vous soutenir et vous aider? Alors, si vous voulez participer à l'opération, si vous êtes motard, vous avez encore possibilité de vous inscrire via la page Facebook qui s'intitule Une Rose, un espoir, les Chardons 54. Vous avez un formulaire à remplir. Sinon, on prend également des inscriptions le jour même, directement donc à la salle Maringer. Après, on est toujours preneur de bénévoles parce qu'on parle beaucoup de motos, mais il faut savoir qu'il y a également des points fixes. Cette année, on a 17 points fixes, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas faire de moto ou qui n'ont pas de moto et qui veulent participer à l'événement. À ce moment-là, ils sont devant des boulangeries ou devant des centres commerciaux et ils proposent également, eux, les roses contre un don minimum de 2 euros. Tout le monde peut participer à cette opération cette année. Au profit de la Ligue contre le cancer, on le rappelle. Merci beaucoup Céline. Belle nouvelle opération d'Une Rose, un espoir. Merci. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.